un été d'écrivain. Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Pour cette dernière semaine d'un été d'écrivain, une émission spéciale consacrée à Franz Hessel et son fils Stéphane. Toute cette semaine, Bernard Pingot s'entretient avec Stéphane Hessel, une émission enregistrée en 1988. À voix nue. Hommage à Stéphane Hessel, décédé ce 27 février 2013. C'était en mai 1988, Bernard Pingot rencontrait ce grand défenseur des droits de l'homme. Stéphane Hessel, si nous mettons cet entretien sous le signe France-Allemagne, c'est que vous présentez là une particularité fort remarquable, qui est vous êtes né en Allemagne, né de parents allemands, et vous êtes devenu très rapidement français. Alors, vous êtes né où À Berlin même, n'est-ce pas? À Berlin même, d'un père d'origine juive et d'une mère, tout ce qu'il y a de plus, Silésie, Allemagne, tout à fait arien, comme on disait un peu plus tard. Voilà donc l'origine, le berceau, c'est ça, moitié juif, moitié chrétien. Tout ce qu'il y a d'allemand, pas une goutte de sang non-allemand dans tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du milieu dans lequel vous avez vécu et qu'est-ce que faisait votre père ? Eh bien, n'est-ce pas, j'ai eu beaucoup de chance. C'est une de mes premières grandes chances. Je considère que j'ai eu une succession de chances tout à fait incroyables dans ma vie. La première, c'est évidemment la composition du milieu familial et même, je dirais, la dramatisation de mon enfance, puisque la relation assez extraordinaire qui existait entre mon père, écrivain, traducteur, ma mère, journaliste, écrivain, traducteur, et un de leurs amis français, Pierre Rocher, l'auteur de ce livre dont on a fait un film, Jules et Jim, c'était une relation à la fois très dramatique et très littéraire. Tout ce monde écrivait. C'est ce qui m'a d'ailleurs toujours conduit à m'abstenir d'écrire. Alors, un mot, si vous voulez, sur ce milieu. Mon père, donc, Franz Hessel, écrivain, romancier, qui a écrit des choses sur Paris, sur Berlin. Et ma mère, dans tout cela, une petite Allemande, pas très cultivée à l'origine, d'un milieu plutôt petite bourgeoisie allemande, qui va être mise en relief à cause de sa beauté, disons-le franchement, par ces deux hommes, dont l'amitié est beaucoup plus forte encore que l'amour de l'un et de l'autre pour cette femme. De sorte qu'ils se la repassent, en quelque sorte, pour conforter ce qui leur apparaissait comme une aventure exceptionnelle. C'est un peu le sujet de Jules et Jim. C'est pas un peu, c'est le sujet de Jules et Jim. Et pour le petit enfant que j'étais quand ça s'est passé, cette aventure, j'avais 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis un peu plus puisque ma mère est venue en France essentiellement pour y retrouver Pierre Rocher, eh bien je sentais ça comme un des aspects de glorification de ma famille. Alors, vous venez, Stéphane Hessel, vous arrivez en France en 1924, à l'âge de 7 ans. C'est pour se rapprocher d'Henri-Pierre Rocher que vos parents décident de venir s'installer à Paris, en même temps que par amour de la France, puisque vous dites qu'ils étaient extrêmement francophiles. Tout à fait. Mon père était traducteur de Marcel Proust, de Balzac, d'Albert Cohen, de Jules Romain. Il était tout à fait dans la traduction des œuvres françaises, alors qu'à l'origine, sa grande passion, c'était la littérature grecque. Il était helléniste de formation, et quand nous étions petits-enfants, mon frère et moi, mon frère a 3 ans de plus que moi, mon père nous lisait l'Odyssée pour essayer de nous endormir. Donc Stéphane Hessel, vous vous installez avec votre famille en France en 1924, et vous poursuivez les études déjà commencées, mais vous les poursuivez en français, dans une école communale à Fontenay-aux-Roses. à Fontenay-aux-Roses, où nous avions trouvé un logement. Et l'école communale de Fontenay-aux-Roses, c'est là que j'ai vraiment appris la France, appris le français. Nous avions un instituteur qui s'appelait Monsieur Pépin, et que les petits camarades appelaient Pépin le Bref, ce qui a été pour moi une première initiation aux Carolingiens. Mon souvenir à moi, donc, de cette école communale était d'un accueil tout à fait chaleureux de la part de ces petits camarades. Au point qu'ils m'ont attribué le prix de bonne camaraderie. Et à ce moment-là, vous avez une idée quelconque de ce que vous envisagez de devenir ? Alors, n'est-ce pas, d'abord, je suis très, très jeune dans mes différentes classes. Donc, on se dit, celui-là, on verra plus tard, il n'est pas encore prêt à prendre une décision. Effectivement, je suis entré en classe de 6e à l'école alsacienne, j'avais 9 ans, ce qui est relativement tôt. J'étais le petit, j'étais assis au premier rang à côté d'un autre petit qui s'appelait François de Félis et que j'ai retrouvé ensuite dans ma vie, très sympathique. Et l'école alsacienne, pour en venir là, parce que l'école communale, ça n'a jamais duré qu'un an, l'école alsacienne a été alors un milieu d'apprentissage de la France tout à fait remarquable. J'ai beaucoup, beaucoup profité aussi de cet accueil de l'école alsacienne. Qu'est-ce que je voulais devenir ? Mon premier rêve était, je voulais devenir architecte. Je ne sais pas très bien pourquoi. Et ma mère, elle, pensait plutôt que je devais commencer par être peut-être groom dans un grand hôtel pour apprendre le contact avec les grands de ce monde. Elle avait une attitude un peu ambitieuse à l'égard de son plus jeune enfant, et elle m'aurait bien vu aussi dans le cirque ou dans le théâtre, éventuellement dans la musique. Au fond, j'ai beaucoup déçu ma mère en faisant finalement une plate carrière administrative au lieu de devenir un de ces créateurs brillants, un peu pervers, dont elle rêvait probablement pour moi. Oui, un métier plus de représentation, d'éclat, de... Elle était elle-même une femme très performante. Elle a passé son temps à essayer d'éblouir les hommes qui l'admiraient en faisant des gestes inattendus. Par exemple, un jour, elle a traversé la Seine sur un pont et comme la conversation entre les deux hommes lui paraissait ennuyeuse et surtout ne tournait pas suffisamment autour d'elle, elle a dit « ça peut pas durer », elle a enjambé le pont et elle a sauté dans la Seine. Comme elle nageait très bien, il n'y avait aucun danger, mais les deux hommes ont été quand même un peu épatés. Un peu troublés, oui. Un peu troublés. Comme vous voyez, j'ai une grande passion pour ma mère, j'en parle maintenant rarement, elle est morte à l'âge de 96 ans, il y a de cela 4 ans, et je me suis un peu apaisé par rapport à elle, mais dans mon enfance, dans ma jeunesse, elle comptait énormément pour moi, c'était le centre de ma vie. Elle faisait des traductions, elle aussi, elle écrivait. Elle-même était à cette époque-là, et jusqu'à la guerre, enfin jusqu'en 1938, elle était correspondante de mode de la Frankfurter Allgemeine, de la Frankfurter Zeitung, et donc elle allait voir les collections, et elle écrivait des petits articles qui ont eu du succès. Elle a même écrit un livre sur l'essence de la mode qui a été publié en Allemagne. Vous m'avez raconté aussi qu'elle a, sur la fin de sa vie, traduit un livre. C'est une anecdote amusante, ça. Mais... Oui, ma mère, donc, vous voyez, c'est une personne assez extraordinaire, du moins je la juge telle. Et quand elle s'est brouillée avec Rocher et que mon père est mort en 1941, elle a encore vécu 45 ans, 43 ans à Paris avec une amie merveilleuse peintre, femme peintre, la sœur de Wilhelm Uhde, qui est un grand collectionneur allemand. Et elle continuait à vouloir faire des choses. Alors, elle faisait des traductions, ça lui était naturel. Elle a traduit le Noah Noah de Gauguin en allemand. Et puis alors, un peu plus tard, un traducteur a dit « il faudrait trouver quelqu'un pour traduire Lolita de Nabokov ». Et l'éditeur Revolt ne pensait pas du tout à elle. Elle avait 72 ans à l'époque. Elle pensait simplement qu'elle lui donnerait un bon conseil. Elle a dit « Ah, ça m'intéresse, c'est un livre que j'aime bien, je vais le traduire ». L'éditeur s'est dit « Une traduction faite par une vieille dame, comme ça, c'est pas possible, ça doit pas être à jour ». Et il a voulu faire une révision par des gens plus jeunes. Elle était furax. Donc, vous arrivez à votre bachot, Et là, qu'est-ce que vous faites après? Alors, puisque vous ne voulez pas être architecte, vous avez passé votre baccalauréat, il faut bien quand même que vous vous dirigiez vers quelque chose. Oui, la première idée de ma mère était, il faut qu'il parle couramment l'anglais. Donc, une année en Angleterre. Et à Londres, à l'époque, pour 7 pence, on pouvait entrer dans les cinémas de Regent Street et à partir de 10h30 du matin. Alors, je crois que j'ai appris un anglais un peu américanisé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de films américains, et qu'au bout de cette année, j'avais à l'époque donc entre 16 et 17 ans, vraiment, ma familiarité avec l'anglais est devenue telle que maintenant, je travaille en anglais comme je travaillerais en français. Ça a été donc, encore une fois, un atout, grâce à ma mère qui a eu cette idée à laquelle j'étais très reconnaissant. En même temps, faire la London School of Economics, c'était un peu s'orienter vers la diplomatie. Et donc, je me suis dit en rentrant, Sciences Po, une année de Sciences Po. Et j'ai fait une année de Sciences Po, mais là, les jeunes gens qui venaient avec un chapeau et un parapluie m'ont fait un peu peur. Je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il me faut. Et au bout d'un an, sur le conseil d'un avocat français, Maître Drujon, ami de ma mère, il lui a dit, pour être vraiment intégré en France, il faut faire la CAGNE, et si possible l'école normale. J'ai donc fait une hypocagne à Louis-le-Grand, où j'ai eu l'énorme privilège, encore une chance fantastique, de rencontrer Vitia, qui est devenue ma femme. C'est vraiment la CAGNE, l'hypocagne et la CAGNE, qui m'ont introduit, encore une fois, dans un autre milieu que je connaissais pas encore, le milieu universitaire français. Ma femme était la fille d'un juriste, d'un professeur de droit, Mirkin Getsevich, et elle était elle-même donc native de Russie, et nous avons fait connaissance à cette époque-là. En hypocagne, au lycée Louis-le-Grand. Alors, après, vous ayant fait l'hypocagne, et comme vous réussissez toujours dans vos études, vous faites la CAGNE, et puis vous passez le concours de l'école normale, mais alors c'est là que se produit une difficulté. Vous êtes toujours allemand à l'époque. Oui, c'est ça. Je suis allemand en 1937, au moment où je passe le concours pour la première fois. Et donc me voilà reçu élève étranger. Et puis, quelques semaines après, le 20 octobre de cette année-là, je reçois mon décret de naturalisation. Alors je ne suis plus rien, je ne suis plus élève étranger puisque je ne suis pas étranger, mais je ne suis pas élève français puisque je n'ai pas été reçu dans le quota des élèves français. Que faire ? Alors je m'adresse au secrétaire général de l'école, Jean Bayou, que vous connaissez bien et qui était un ami, un peu de la famille, et qui me dit, on va essayer de régler ça, on va faire des démarches pour voir, et pendant un certain nombre de mois, je me dis que ça va se régler. Et puis au bout de 6 ou 7 mois, on s'aperçoit que l'administration française est absolument impénétrable sur un certain nombre de sujets, j'en ai fait l'expérience par la suite, et que sur celui-là en particulier, il n'y avait qu'une solution, repasser le concours. Bon, alors repasser le concours en 38, je ne m'en sentais pas le courage parce que j'avais quand même pas travaillé assez pendant cette année. J'ai donc décidé de repasser le concours en 39 et effectivement, j'ai fait là alors un parcours absolument merveilleux. Ce qu'il fallait, c'est être admissible. Vous connaissez le concours. Par chance, j'étais admissible. Je ne sais plus très bien dans quel rang, mais probablement assez loin parce qu'un deuxième concours, on le prépare moins bien que le premier. Mais j'étais quand même admissible. C'est le début de la guerre, ça, déjà. C'est le début de la guerre. La guerre est déclarée. Nous sommes mobilisés. Ayant fait le bon voust, comme on dit à l'école, c'est-à-dire étant non pas élève officier, mais officier élève, distinction capitale. Et nous nous retrouvons dans une caserne Canclot à Saint-Mexant. On pensait que Hitler, c'était pas sérieux, que ça allait s'écrouler. On pensait qu'il fallait surtout tenir derrière notre bonne ligne Maginot. On avait été, moi du moins, assez munichois, parce qu'on se disait, la guerre, c'est affreux. Mais ma famille était fortement pacifiste, très, très pour le rapprochement franco-allemand, très Aristide Briand, Stresemann, c'était ça. Et Hitler, c'était un petit phénomène passager qui allait s'effondrer, pensait-on, espérait-on. Donc, il fallait tenir bon et il ne fallait pas trop se faire de soucis. De sorte que le 10 mai, et ce qui s'est passé ensuite, a été un coup de tonnerre pour nous tous, naturellement. Pour vous aussi, j'en suis sûr. N'est-ce pas, très rapidement, je me trouve en Sarre avec une unité commandée par quelqu'un que j'ai retrouvé ensuite à Londres, et nous commençons à reculer, à marcher de nuit, à se fatiguer, à ne plus savoir où on en est. Je me fais faire prisonnier à Bourbonne-les-Bains par les Allemands. Je reste 3 jours dans ce petit camp. Je fais ma première évasion facile et gastronomique, puisque nous avions décidé avec le capitaine Seguin de partir à deux et de démontrer à nos amis officiers qui voulaient rester dans le camp parce qu'au moins on y mangeait, que nous mangerions mieux. Et effectivement, nous avons très vite mangé beaucoup mieux parce que nous nous arrêtions dans les fermes et comme les laitiers ne passaient plus, les fermes regorgeaient de beurre et de lait et d'omelettes et on a très bien mangé, on a traversé la France sans trop de mal et j'ai réussi à rejoindre à Toulouse ma femme qui, elle, avait fait avec ses parents le vrai exode, le dur exode sur les routes. Et de Toulouse, nous sommes allés à Montpellier, où je me suis réinscrit à la faculté pour essayer de poursuivre des études et en même temps pour tâcher de trouver un moyen de partir. Ce moyen, nous l'avons trouvé assez vite, beaucoup grâce à un homme pour lequel je garde une grande admiration, une grande estime, un Américain qui s'appelle Varian Fry et qui, installé à Marseille, a eu la charge d'essayer de faire sortir de France les réfugiés politiques qui s'y trouvaient, les grands écrivains. J'ai pu ainsi arriver en Algérie, au Maroc, à Casablanca, où j'ai attendu quelque temps pour trouver un bateau portugais qui m'a amené à Lisbonne. De là, un coup d'avion, un coup d'aile, et j'étais à Bristol. Alors à Londres commence évidemment pour vous une période tout à fait nouvelle et importante. Vous engagez dans les forces françaises libres. Mais vous travaillez aussi, peut-être tout de suite, plus tard, je ne sais plus, dans un service qui s'appelle le BCRA, qui veut dire... Bureau central de renseignement et d'action. Les initiales ont changé de temps en temps, mais enfin c'était celles qui nous ont retenu le plus longtemps. Oui, en deux mots, à mon arrivée, je me fais recruter, j'essaye d'entrer dans l'aviation, et au moment où je suis prêt à commencer à faire des opérations de bombardement, on m'appelle au BCRA, c'est-à-dire dans ce service qui dépend de l'état-major particulier du général de Gaulle et qui a la charge de la liaison avec la France, avec les réseaux de renseignement en France, avec l'action des saboteurs et de la résistance et des mouvements de résistance en France, et d'autre part avec les Anglais, avec l'état-major allié et avec les Anglais, qui étaient très friands des renseignements que nous pouvions obtenir par la résistance. On vous appelle là parce que vous saviez l'allemand, parce que... Non, plutôt parce que un des jeunes officiers que j'avais rencontré à Camberley à l'arrivée avait trouvé que c'était pas très bien de ne pas utiliser quelqu'un qui avait une certaine formation à faire des bombardements aériens. Il avait tort. Et le meilleur exemple du contraire, c'est Pierre Mendès-France, qui a refusé toute activité de bureau pour se battre. Mais j'étais probablement plus influençable, moins résistant au dévoiement bureaucratique que Mendès. Et je me suis dit, tiens, ça va être intéressant. Je vais me trouver en relation avec la résistance. C'est une tentation à laquelle je n'ai pas résisté. Et d'ailleurs, finalement, au bout de 3 ans de ce métier très intéressant, qui m'a aussi donné autre chance, le contact avec des gens comme Jean Moulin quand il passait à Londres, comme Pinault, comme Cavaillès, qui a été un remarquable chef de réseau et que nous voyions à Londres, comme Mendès d'ailleurs lui-même que nous avons vu à Londres pendant cette période. Et puis il y avait son ami Boris, donc, qui est aussi à Londres, je crois. Oui, vous avez tout à fait raison d'insister sur la personnalité de Georges Boris qui a joué un grand rôle dans ma vie tout au long. D'abord, il a été un très très grand ami de Vitia, de ma femme, qui avait énormément d'admiration et d'amitié pour lui. Et nous nous sommes donc connus à Londres et nous nous sommes retrouvés par la suite tout au long de ma vie et jusqu'à sa mort. Le colonel Passy n'avait pas conservé de relation particulière avec lui après, non ? Le colonel Passy était votre chef. Était mon chef et un chef aussi que nous trouvions très brillant. Il était très sec, il était très froid, il était un peu hautain. Il commandait avec la force d'un vrai colonel. Et en même temps, nous le jugions performant, parce qu'il arrivait à obtenir des Anglais des choses qu'un autre n'aurait peut-être pas obtenues. Il avait la confiance du général, et il a fait un travail, à mon sens, très remarquable d'organisation des réseaux en France. Ce qui, en tout cas, me tenaillait, c'était quand même le désir de ne pas rester en dehors du combat, de sorte que j'ai finalement obtenu, chose sans doute très imprudente, qu'on envoie quelqu'un qui connaissait tout le monde dans la résistance, ce qui était mon cas, puisque je les avais tous vus à Londres, ou presque tous, beaucoup d'entre eux, l'envoyer néanmoins en France pour une mission de réorganisation des réseaux radio du renseignement. Et c'est comme ça que je suis arrivé fin mars 1944 à Paris, que j'y ai travaillé 4 mois jusqu'au mois de juillet, 3 mois et demi, et que stupidement, le 10 juillet 1944, alors que les armées alliées se trouvaient déjà aux environs de Caen, je me suis fait épingler par la Gestapo. Je suis parti le 8 août. Le 8 août, par un des tout derniers convois, arrivé à Buchenwald le 15 août, car les voyages étaient compliqués et longs. On a raté plusieurs occasions de s'évader. Et on est donc arrivé à Buchenwald encore très naïf, très très naïf. Vous aviez une idée quelconque de ce qui se passait dans ces camps à Londres? On en parlait? Franchement, des informations? Franchement, on ne savait rien. Rien de précis, ou du moins nous ne savions rien de précis, peut-être certains le savaient. Nous savions qu'il y avait eu des camps de concentration horriblement brutaux en Allemagne en 1933-34-35. Nous avions même des amis qui avaient été à Buchenwald et qui en étaient sortis miraculeusement et qui avaient pu émigrer au dernier moment d'Allemagne. Mais nous ne faisions pas le rapprochement entre les camps de la guerre et les camps nazis. Et nous savions vaguement que la lutte contre les juifs, les déportations de juifs, se pratiquait. Nous ne savions pas très bien, naturellement, comment il se terminait, mais que des gens pris pendant l'occupation, la guerre, la résistance, soient envoyés dans des camps de ce type, nous l'ignorions. Et en arrivant à Buchenwald, nous avons été très surpris de ce que nous avons vu. Nous avons très vite compris que c'était assez mortel. Effectivement, le groupe de 37 dont je faisais partie et qui est arrivé donc le 15 août à Buchenwald a été, dans sa grande majorité, c'était des condamnés à mort, mais la bureaucratie allemande était assez lente et l'ordre d'exécution n'est arrivé que quelques semaines après notre arrivée à Buchenwald. Et c'est comme ça que j'ai eu encore la chance de faire partie d'un groupe de 3, 2 Anglais et 1 Français, pour lesquels on a fait un montage extraordinairement périlleux, en leur faisant prendre l'identité de 3 jeunes Français morts du typhus, de sorte que nous avons changé de nom au camp, que nos malheureux camarades français ont été, sous notre nom, envoyés au crématoire et portés donc morts, de sorte que je possède un merveilleux certificat de décès, une des pièces d'état civil les plus utiles, naturellement, qui indique que le 20 octobre 1944, j'ai été brûlé au crématoire de Buchenwald. Parce qu'il y avait des certificats de décès, l'administration fonctionnait parfaitement. Elle était d'ailleurs tenue par des déportés. Et en particulier, quelqu'un qui a joué un rôle là-dedans, c'est notre ami Georges Saint-Proun. Vous êtes resté tout le temps à Buchenwald? Non. Alors de là, donc, sous cette nouvelle identité, on m'a envoyé dans un commando, dans un petit camp où nous construisions des trains d'atterrissage pour Junker 52, où je suis tombé sur un garçon très dynamique qui avait envie de s'évader. Moi aussi, j'aimais bien l'idée d'évasion. Nous avons donc monté une petite évasion qui nous a fait retrouver pendant 5 heures la liberté. Et nous nous sommes retrouvés alors dans un très sale camp, le camp de Dora, dont peu de gens sont revenus. Il y a eu beaucoup de morts français là-bas, où il y avait les souterrains dans lesquels on construisait les V1 et les V2. Mais là encore, par chance, je n'ai pas été envoyé dans le tunnel, j'ai été envoyé en commando disciplinaire, et j'avais un superbe Strafpunkt, c'est-à-dire un grand rond, rouge, ce qui voulait dire que si je m'évadais à nouveau, on devait tirer sur moi à vue. Cependant, je me suis évadé encore une fois, vous voyez, ça devenait une sale manie. Et quand le camp de Dora a été évacué dans les premiers jours d'avril 1945, tout à fait vers la fin de la guerre, le camp a été évacué par train sur le camp horrible de Bergen-Belsen, où beaucoup de gens encore sont morts. Et j'ai réussi à sauter du train avant la traversée de l'Elbe, donc je n'ai jamais été à Bergen. J'ai pu m'évader encore une fois de ce train, et alors dans une Allemagne, cette fois complètement désorganisée, des premiers jours d'avril 1945, j'ai fait la traversée depuis Lüneburg jusqu'à Hanovre, où j'ai rejoint l'armée américaine. J'ai réussi, là encore, vous voyez, on était jeunes, et on faisait n'importe quoi. On avait peur de rien, on considérait que tout devait réussir et que traverser les lignes allemandes, américaines pour aller rejoindre une unité américaine à Hanovre, c'était tout naturel. Il fallait simplement savoir s'il valait mieux aller à gauche ou à droite et traverser tel bois plutôt que tel autre. Coup de veine. Je me retrouve avec un petit groupe de l'armée américaine qui m'emmenait, ah oui, le French Captain, capitaine, je ne l'étais pas, mais enfin, ils me considéraient comme tel, et ils me font traverser une partie de l'Allemagne en direction de Berlin. À un moment donné, nous arrêtons dans un village, on me dit, vous serez de garde demain matin à 6 heures, je me réveille, il était plus tard que ça, et je me trouve entouré d'Allemands, les SS avaient repris ce petit village, les Américains étaient partis, avaient oublié leur capitaine français. Et alors je m'entretiens avec le colonel SS qui me dit, vous savez que nous avons la réputation de ne pas faire de prisonniers. Une réputation exagérée. Donc, bon, je vais vous donner un entourage de quelques SS allemands. Nous partons ensemble. Je leur explique que les Américains ont du whisky et des cigarettes et que la guerre est terminée. Il vaut mieux qu'ils viennent avec moi. Et finalement, ils s'agglomèrent et nous arrivons à 14 dans les lignes américaines qui, heureusement, ne tirent pas sur nous. J'ai jamais compris pourquoi. Et j'ai eu un merveilleux petit certificat de l'armée américaine disant que j'avais ramené 14 prisonniers allemands dans les lignes américaines à telle date. Voilà, vous voyez, c'est tout ça. Vous montre à quel point la guerre peut être faite de moments ridicules et de moments merveilleux. Ce qui me frappe toujours, Stéphane Hessel, c'est que vous racontez votre déportation comme... je ne dirais pas comme une partie de plaisir, mais comme des souvenirs de vacances. Est-ce que c'est de la pudeur ? Vous avez tout à fait raison. Eh bien, j'ai toujours vu le côté intéressant, positif des choses, ce qui m'a permis de passer à côté de pas mal de situations embêtantes ou même périlleuses, sans avoir le sentiment du drame, du risque, mais plutôt de la curiosité, de l'intérêt, l'intérêt pour même ces Allemands. Si vous voulez, je raconte quelquefois l'aventure qu'est un interrogatoire par la Gestapo. Un interrogatoire par la Gestapo, c'est quelque chose d'abominable. Moi, je garde le souvenir de conversation avec mon examinateur, si j'ose dire, vous voyez, déjà j'emploie un mot qui n'est pas tout à fait celui qui convient à la Gestapo, et d'une espèce de jeu de phrases où j'essaye, parlant l'allemand, ce qui était d'une imprudence dramatique, mais pour moi c'était un jeu particulièrement intéressant de me dire, est-ce que je vais arriver à lui faire dire des choses et lui à me faire dire des choses qui montreront une relation d'équilibre de la parole dans lequel je n'aurai pas le dessous. C'était À Voix Nue, hommage à Stéphane Hessel, l'inspirateur du mouvement des indignés décédé le 27 février 2013 et que Bernard Pingot avait rencontré en mai 1988. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Hessel avec Bernard Pingot. France Culture, un été d'écrivain, deuxième partie. le temps de la lecture avec Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, réalisé par Étienne Vallès. Nous vous proposons d'entendre en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes du feuilleton consacré à l'écrivain allemand Franz Hessel, père de Stefan Hessel, par Bruno Takens. Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Takens. Premier épisode. Aujourd'hui, l'enfant des villes. Avec Olivier Claverie, Bruno Takens et la voix de Maxime Dambrun. L'enfant des villes. Lettre imaginaire de Bruno Takens à Franz Hessel. Paris, le 21 juin 2012. Cher Franz Hessel, comme beaucoup de vos lecteurs d'aujourd'hui, voilà plus de 10 ans que nous sommes passés au 21e siècle, c'est par la fréquentation de Walter Benjamin que je suis entré dans votre monde imaginaire, comprenant très vite sa parenté avec l'homme des passages parisiens. À l'évidence, c'est la récente renommée de Benjamin qui m'a permis de remonter jusqu'à vos livres, traduits en français avec parcimonie, mais pour tout lecteur rigoureux, cette évidence saute au visage. Quantité de thèmes abordés par Benjamin, et rejoués sans cesse dans ses textes, au point de devenir des motifs emblématiques de son œuvre, l'enfance, la ville, la flânerie, la séduction, la mode, se trouvent en fait déposés dans vos récits, discrètement agissant. Il faut même aller plus loin. Quand on s'intéresse, comme je l'ai fait, à la vie de Walter Benjamin, au point d'en écrire la biographie, on comprend qu'à plus d'un titre, où fut pour lui un guide, un compagnon, une boussole, un alter ego prompt à déclencher et aiguiser la pensée. C'est que très vite, votre amitié va prendre la forme d'un véritable travail à quatre mains pour relever l'incroyable défi de traduire la langue de Proust en allemand. Cet attelage créatif ne va pas se limiter au seul geste de traduction. Fraîchement débarqué à Paris, Benjamin trouve en vous l'introducteur idéal au secret de la ville lumière qui le fascine tant. C'est là que vous l'initiez aux arcanes de la flânerie, qu'il ne va pas tarder à reprendre à son compte pour les mettre ensuite à profit dans ses nombreuses pérégrinations. Combien de textes de Benjamin ne reprennent-ils pas votre manière de marcher dans la ville, libre et désintéressée, oblique et fouineuse, clairvoyante et subversive? Car chez vous deux, l'axe est identique. Berlin, Paris, Berlin. Jusqu'à ce qu'il devienne impraticable et fasse de la France un lieu d'exil puis d'emprisonnement, avant de devenir votre tombeau, lui à Portbou, vous à Sanary-sur-Mer. En écrivant aujourd'hui votre nom, dans l'Europe de ce début du XXIe siècle, je m'expose à cette inévitable remarque quand je parle de votre œuvre à divers interlocuteurs. Hessel ? Ah oui, tu veux parler de Stefan Hessel, l'homme qui a vendu des millions de livres en disant à ses jeunes et moins jeunes lecteurs « Indignez-vous ». Non, il ne s'agit pas de Stefan Hessel, mais de son père, Franz, un écrivain allemand de la première moitié du XXe siècle. Et devant la moue dubitative de mon interlocuteur, souvent, je me suis senti obligé de préciser ces mots balbutiants. C'était un écrivain important, connu dans les milieux littéraires de l'époque, et un des grands amis de Walter Benjamin, qui était très proche de lui et qui lui doit beaucoup. À ces mots, en général, le degré de curiosité descend d'un cran et l'évocation seule du nom de Benjamin a tendance à ponctuer la séance d'un invariable « Ah oui, un ami de Benjamin, mais oui ». Certes, ces deux noms aident à vous définir, même s'ils manquent le cœur de votre travail. Il est vrai qu'ils ont donné lieu à une scène historique, et en même temps parfaitement souterraine. Durant l'été 1940, votre fils Stéphane, alors jeune étudiant, quelques semaines avant de basculer dans la résistance, va rencontrer votre vieil ami Walter, peu de temps avant son suicide en septembre 1940 sur la frontière franco-espagnole. Et le témoignage de Stéphane est bouleversant, si intense, alors qu'il évoque des faits vieux de plus de 70 ans. La parole du dernier témoin non anonyme qui a vu, vivant, votre ami à Marseille en juillet 1940, déjà incroyablement fatigué, quelques semaines avant sa dilution sur la frontière franco-espagnole. Mais sur votre fils, c'est l'évidence, le temps n'a pas tout à fait la même prise. À l'envisager aujourd'hui, je me dis qu'il a pris pour vous, vous et votre ami Benjamin, une véritable revanche sur le temps linéaire, la broyeuse de vie, cruelle et si injuste bien souvent. Une belle revanche contre le temps. Ou plutôt, un rééquilibrage finalement. À plus de 90 ans, votre fils Stéphane est comme né à une nouvelle vie. L'AMU, un jeune homme en colère, qui témoigne pour tout ce que vous avez enduré, vous, les fauchés avant l'heure, les morts trop jeunes, laminés par la machine fasciste qui a rendu folle toute l'Europe. Mais revenons à vos livres. Quand on lit Le Bazar du Bonheur, on est frappé d'y retrouver l'univers d'enfance berlinoise, ou celui de Sens Unique, dans lequel Benjamin livre le monde à la sagacité de l'œil enfantin, fasciné et terrorisé par ce qu'il découvre. Dès les premières lignes de votre récit, c'est à hauteur d'un petit homme que nous regardons le monde. C'est à travers les yeux d'un enfant très jeune que nous regardons la réalité environnante, depuis la position étroite en apparence, qu'il campe, comme une vigie concentrée sur l'horizon, prête à dire ce qui va arriver. Dans sa vision du monde, l'enfant nous emmène en allégorie. Tout ce qui l'entoure devient un prétexte à imaginer, construire, inventer un autre monde. Derrière celui des apparences, j'y tapis silencieusement le monde des rêves et des hallucinations. La nature redevient parlante et nous invite à d'aventureuses épopées. Cher Franz Hessel, merci de nous embarquer dans vos déambulations incertaines. 10 jours durant, nous nous mettrons dans vos pas, en essayant d'en restituer l'écho par ce magnifique outil qu'est la radio, qu'avait si bien compris, pionnier parmi les pionniers, votre ami Walter Benjamin. Au plaisir de vous croiser, au détour d'un livre ou d'une ruelle. Bruno Takels. Franz Hessel, Le Bazar du Bonheur, extrait. C'était le matin, très tôt. Le petit Gustave était assis, seul et magnifique, sur le bois clair du parquet. Dans l'air flottait encore de la poussière et les suaves effluves de la fête d'hier dont il avait entendu, en s'endormant, la musique de danse et les rires. Il leva les yeux vers le plafond. Il vit suspendus les ballons multicolores qui, hier, planaient au-dessus de la longue table. Ils se balançaient, signe de leurs courtes ficelles. Et voici que l'un d'eux, lentement, descendait vers lui. L'enfant ne se lassait pas de regarder là-haut. Qu'ils étaient beaux, ces soleils ronds, ces soleils tournoyants de toutes les couleurs. Une bouffée d'air frais s'engouffra dans la pièce, et les grandes filles entrèrent, en saut de lit vaporeux. L'une d'elles le souleva, le hissa le long du vêtement jusqu'à sa poitrine, l'embrassa, puis le souleva plus haut encore. Alors il étendit le bras et attrapa le fil du ballon qui descendait. Lentement, il attira vers lui la boule scintillante. À la fin, elle chanterait, comme la grande toupie musicale qu'il avait reçue à Noël. Il voulait la caresser, avança la main. Alors quelque chose de répugnant se colla à ses doigts. La chose se ratatina, devint un visage, un vieux visage, affreux. Oh, quelle horreur, quelle horreur ! Gustave hurla. Il hurla tant, comme un si vilain petit garçon, que la grande fille se fâcha, le posa par terre et partit. Il continua à hurler en tenant en l'air, largement écarté, ses doigts gluants. Par-dessus le marché, et comme de juste et de bien entendu, le méchant homme fit son apparition. Il se contenta d'abord de se dresser en bras de chemise sur le seuil de la porte et de cracher dans ses mains. Puis il leva un pied. Dessous, il y avait une masse garnie d'une brosse aux poils usés. Il la posa par terre et se mit à glisser sur le parquet, à toute allure et à reculons, en se poussant avec l'autre jambe. Ainsi glissant et patinant, il se dirigea avec une terrifiante lenteur et en ricanant vers Gustave. Il savait bien que Gustave ne pouvait pas bouger. Il prenait son temps. Mais avant qu'il ne soit arrivé à sa hauteur, la mère apparut. Elle emporta le bébé tout tremblant, hors de portée du cireur de parquet. La mère, toujours souffrante, passait la majeure partie de son temps dans la chambre du fond, une pièce obscure où étaient installés les lits des parents. Il avait découvert très tôt, au ciel du lit de la couche parentale, deux anges dorés aux ailes déployées qui l'emplissaient d'étonnement et de vénération. Chaque fois que sa mère le prenait dans ses bras, il regardait les anges. Ceux-ci, alors, s'animaient et s'élançaient vers le plafond. Et les serpents de la grande suspension se lovaient, zigzaguaient vers eux. Le miroir de la coiffeuse, en face, renvoyait leur splendeur en une coulée d'or. De la commode où ils trônaient, les deux bustes en plâtre levaient vers eux leurs yeux blancs. Les anges planaient très haut. Mais un jour, Rodolphe, le frère aîné, assis sur le petit tabouret à côté des souliers de couleur vive de la mère, Gustave, lui, était assis sur ses genoux, demanda en levant vers le plafond ses grands yeux bruns, « Mère, que font les anges ?» Ils volent et ils soulèvent le rideau. « Mais ils ne peuvent pas voler, ils sont collés, » déclara Rodolphe. « Tu es un petit impertinent, » dit la mère. Néanmoins, il avait eu le dernier mot, le grand frère. Et à dater de ce jour, les pauvres anges jaunes restèrent collés où ils étaient, sans pouvoir ni monter, ni descendre. Au jardin, Gustave avait son coin préféré. Un bout de pelouse, non loin de la tonnelle où se tenaient les adultes, et tout près du massif de pensées qui, tel des visages, le regardait. De là, il observait les jeux des autres enfants, les grands. Les garçons passaient auprès de lui en courant, sans lui accorder un coup d'œil. Les filles lui souriaient et battaient des mains à son intention. Parfois aussi, elles restaient auprès de lui et le prenaient sur leurs genoux. Mais une seule d'entre elles savait l'asseoir comme il faut. C'était la grande Bertha aux cheveux bruns. Avec elle, il se tenait tranquille, se sentait en sécurité. Elle ne se balançait pas dans tous les sens, ne lui racontait pas, en pouffant de rire comme les autres, des drôleries incompréhensibles. Elle lui prêtait son giron, sans cesser, là-haut, de parler paisiblement. Gustave levait la tête, contemplait gravement son cou et sa bouche. Seul, la bonne pluie, nouvelle, extrait de Encouragement au plaisir. La maison de vacances que les parents ont louée a une véranda. C'est là qu'on prend le petit déjeuner. Dès que l'enfant a mangé sa tartine et bu son bol de lait, il peut aller dans le jardin, sur la lande ou la plage. Mais aujourd'hui, il pleut. C'est d'abord la douce chute d'un voile sur le gravier, le gazon, le buisson et la clôture, puis, poussées de biais par le vent, les gouttes de pluie tombent en crépitant sur le verre. L'enfant doit rester assis à la table qui vient d'être débarrassée. La nappe est enlevée, on étend un tapis de table orné de fleurs rouges. On y pose un jeu de construction, un jeu de patience avec des pions, une boîte de dominos. La mère a posé ces trois jeux pour qu'on puisse choisir. Mais ce n'est pas tout. Elle tient à la main le livre de contes de fées et demande « Ou bien veux-tu que je te lise quelque chose ?» Si l'on s'occupe à ce point de l'enfant, c'est à cause de la bonne pluie. Lui, à vrai dire, ne souhaite rien faire ni recevoir. La table, pour vraiment jouer, est un peu trop haute. L'enfant demande « Y a-t-il des histoires de pluie dans ce livre ?» D'histoires de pluie, la mère n'en connaît pas. En revanche, elle sait par cœur toutes sortes de poèmes. L'un d'eux commence ainsi « Il pleut, Dieu nous bénit. » L'autre dit « Tous les jours, la pluie tombe. » Un troisième, au contraire, promet que « S'il pleut assez, cela cessera bientôt. » Mais l'enfant n'a pas envie d'écouter. Il tient quelques pièces de bois dans ses mains désœuvrées et regarde dehors le brouillard humide qui rétrécit l'espace et nous enveloppe comme les serviettes que l'on nous met autour de la tête quand on a la fièvre. L'enfant préférerait qu'on le prie sur les genoux. Mais il est déjà un grand garçon. Il a 6 ans. La pluie frappe, murmure, chante une berceuse. L'enfant laisse tomber sa tête sur ses mains qui ne lâchent pas les cubes de construction. L'après-midi, la porte vitrée est grand ouverte. Des lambeaux de nuages se traînent encore dans le ciel. Le jardin ruisselle. Il continue à tomber des gouttes. On aide l'enfant à mettre son manteau à capuche. Le père le prend par la main. Il marche sur le gravier qui crisse, sur les jolies briques qui recouvrent la route de ce lieu de villégiature. Puis il se dirige non pas vers la mer en passant entre les dunes, mais vers l'intérieur des terres, traverse la prairie, puis la lande, et vont ainsi jusqu'au vieux village frison avec ses maisons basses, comme agenouillées derrière de grandes digues de pierre. Le père explique qu'elles ont été construites en contrebas pour que le vent n'ait pas de prise sur elles. Alors, comme s'il venait d'entendre ce que l'on vient de dire, le vent se met à souffler plus fort et apporte une nouvelle ondée. Le père rabat la capuche sur la tête de l'enfant qui lève les yeux vers lui. Celui-ci cligne des yeux et scrute l'horizon comme le font les gens de mer. Alors la capuche tombe sur le nez de l'enfant, qui se met à marcher comme un aveugle, tenant son père par la main. La pluie qui tombe transforme le terrain en un bain où l'on plonge comme dans un rêve. Souvent, plus tard, l'enfant devenu un jeune homme se rappelle le sommeil de pluie dans le champ de sa mère, ou le bain de pluie lorsqu'il tenait la main de son père. Il fait l'expérience de toutes sortes de pluies. La pluie fraîche de printemps à Berlin, sur le Landwehr Canal, où les marronniers plongent leurs corolles de fleurs. La pluie d'été, dans le jardin du Luxembourg à Paris, où des grilles de fer royal poussent entre les arbres à l'intérieur et en dehors du jardin, et leurs reflets sous-marins sur l'asphalte luisant. Les jours de pluie abondante, dans les montagnes et les vallées bavaroises, où la fourrure des troupeaux et le loden des manteaux continuent longtemps à fumer au soleil. Les courtes pluies du soir, sur les pavés des villes italiennes, excitantes et apaisantes comme un verre de vin avant le repas. À tous ces vieux chants de pluie que lui chantait sa mère, s'en ajoutent de nouveaux. Et parmi eux, celui-là, où il est question d'une pluie qui s'atténue sans cesser pour autant. Plus rien ne peut arriver, et pourtant rien n'est encore consommé. Tu souffles de toutes tes forces, avec le vent dans la nuit. Ce que tu as cru être tien, les branches bruissantes le laissent tomber, goutte à goutte. Ton rire et tes pleurs brillent sur les pierres. Rien avant n'est advenu, rien après n'adviendra. Laisse toute ton âme souffler, se laisser emporter par le vent. La pluie l'aide à oublier, à durer, à revenir. La pluie est tout entière contenue dans l'atmosphère terrestre, plus proche encore que la lumière qui nous attire. Et lorsqu'un jour il retourne en ville, avec celle dont les doigts sont encore humides de l'herbe de la forêt et des pétales de fleurs, celle dont les joues sont encore ruisselantes de pluie, voilà qu'elle le suit jusque dans sa chambre, où elle n'est encore jamais entrée, pour se sécher, juste pour se sécher. Et tandis qu'au dehors le soir rougit, à l'intérieur cela sent bon les fleurs qu'on a rapportées. Un moment passe. Elle pense qu'il faut qu'elle rentre chez elle. Mais quand tous deux se mettent à la fenêtre, ils voient le ciel qui s'est de nouveau couvert, et déjà les premières gouttes de pluie tambourinent sur les vitres, comme autrefois sur la véranda, chez sa mère. Alors, elle reste chez lui. Et celle qui reste chez lui devient la femme de sa jeunesse, la mère de ses enfants, la sœur de sa vieillesse. Et de tout cela, c'est la bonne pluie qui en est cause. Français seul, poème. Oiseau trembleur. Qui sommes-nous ? Des pigeons ? Des mouettes ? Nous nous perdons volontiers à trois sur une branche. Nous ne faisons pas de nid, nous n'en avons pas. Nous sommes montés sur des pinces. Nos ailes ont des reflets d'argent et nos queues sont en verre effilé. Nous sommes petits, on nous voit à peine. C'est seulement quand vacille la flamme de la bougie à nos côtés que nous nous embrassons, nous brillons, nous tremblons. Une vieille fille anxieuse, en soufflant, a mis une âme dans nos têtes dodelinantes et du mouvement dans nos plumes. Craignait-elle les cambrioleurs ? Ou son amoureux qui n'était toujours pas venu ? Nous a-t-elle communiqué la peur et le désir de fuir des filles poursuivies dans les temps légendaires ? Nous voilà figés dans le verre et en sécurité. Mais nous tremblons encore. Nous tremblons. Donc nous vivons. Fruits d'or. L'éclat de nos coquilles de verre rejaillit sur les fruits ventrus et savoureux à côté de nous. Ils deviendront du verre à leur tour, des pommes du jardin des Hespérides, des figures inaccessibles sur l'arbre enchanté. C'était Franz Hessel, le feuilleton d'un flâneur, par Bruno Tackels. Premier épisode. Aujourd'hui, l'enfant des villes. Avec Olivier Clavery, Bruno Tackels et la voix de Maxime Dambrun. Assistance technique et montage, Pierre Henry. Prise de son et mixage, Éric Boisset. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Étienne Vallès. Le Bazar du Bonheur de Franz Hessel, traduction Léa Marcoux, est publié aux éditions Calmann-Lévy. Encouragement au plaisir de Franz Hessel, traduction Jean Ruffet, est publié aux éditions du Seuil.